Relax les enfants, relax. Patron, c'est la mienne. Attention. On regarde le verre en face. On détend le poignet droit, le biceps gauche, relax. Le coude sur le comptoir. On penche la tête pour pas renverser la première goutte. Attention. Cul sec. Bravo les enfants. Il y a quelques dimanches, un coup de paresse. La Marie Flanchée loupe la messe. C'est rien qu'elle me dit, je vois pas pêcher. Je m'en vais la suivre à la télé. Elle ouvre le poste et tombe à pic sur Davina et Véronique. Et aussitôt c'est de la démence. Elle prend le tempo et rentre en transe. Ça fait maintenant un mois qu'elle mue au champ à table et dans la rue. Alors moi pour y faire la nique, je me suis trouvé une petite technique. Et un, je retire le bouchon. Et deux, je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Et quatre, je me rince le siphon. C'est l'apéro bing. Elle la gym, moi le tonique. C'est l'apéro bing. Elle la gym, moi le tonique. Quand il faut semer, c'est plutôt bien. En une journée, elle plante tout le grain. Mais c'est pour les vaches, les pauvres bêtes. Faut voir leur tête à l'heure de la traite. La Marie tient une telle cadence qu'elle font plus de lait, mais du beurre rance. Pour s'entraîner, tout lui est bon. Et cette année pour les moissons, pas la peine d'embaucher des hommes. Je m'en vais y acheter un métronome. Et pour la soutenir moralement, et je m'entraîne déjà intensément. Et un, je retire le bouchon. Et deux, je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Et quatre, je me rince le siphon. C'est l'apéro bing. Elle ne gym, moi le tonique. C'est l'apéro bing. Elle ne gym, moi le tonique. C'est l'apéro bing. Toute la journée, elle gesticule, elle est remontée comme une pendule. One, two, three, four. C'est plus une femme, c'est un ressort. Pour nourrir les poules, les cochons. Un, deux, trois, quatre, le compte est bon. Mais c'est au lit que ça me gêne un peu. Et j'ai déjà dit, tu me rends nerveux. C'est vrai, j'ai rien contre le sport. Mais elle compte pendant nos transports. Assez radical, ça me coupe la chic. Alors je retourne à ma technique. Et un, je retire le bouchon. Et deux, je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Et quatre, je me rince le siphon. Oui, c'est l'apéro bing. Elle la gym, moi le tonique. C'est l'apéro bing. Elle la gym, moi le tonique. C'est on ne bave pas, on ne bave pas. Attention pour les professionnels. Pour accompagner le mouvement des reins qui fait basculer la tête en arrière, cul sec.